1983. Ouais. Ça met la banane. À fond. The sun goes down, living it up. Eh ben, il n'est pas pris de goes down. Ben ouais, c'est ça. Allez, on nous annonce une semaine pas possible. Et on va avec des 30 degrés, des machins et tout. Il faudrait être un petit peu, vous savez, un peu serré dans vos vêtements de travail pour ceux qui doivent porter des vêtements, des uniformes, tout ça. Voir ceux qui sont dans les bureaux avec des chemises et des trucs serrés. Des cravates et hein tout, tu sais. Tu vois, voilà, ouais. Des trucs serrés. Tout ça encore la semaine prochaine, alors qu'il va encore faire un cagnard à la con. Voilà. Ça c'est dit. Au programme ce soir. Album de la semaine. La review de Korenko. Fil rouge. Il y aura quelques nouveautés. On va faire un petit détour du côté du monde merveilleux de Goldorak. D'accord. C'est cool. Pourquoi pas? Si. Bah oui. Ça leur fera plaisir. Ouais. Books on the Radio. Et une archive. Je vous rappelle la date? Ouais. Nous sommes le 11 septembre. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est passé quoi le 11 septembre? 11 septembre 2016. Et je n'en dis pas plus. Voilà. D'accord. Okay. Bon, écoute. Surprise. C'est parfois, ça fait du bien un peu de surprise. Ouais. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc. Oui. Alors, on va partir avec des habitués chez nous. Des habitués de la maison. Ouais. Ah bah écoute. Les T.O.C.s. Ah, bah ouais. Tous les trois mois. Non, tous les six mois, allez. Tous les six mois, ouais. Ça sort plus ou moins deux par an. C'est ça. Mais ça vaut plus ou moins toujours le coup. Ouais. Donc voilà. Et ils viennent de sortir un album qui s'appelle A World Exists. Mm-hmm. Et ils l'ont fait un peu plus condensé cette fois-ci. Pas d'idée pour le titre, peut-être. Non, c'est peut-être parce que Brigitte Dawson a quitté le groupe, je ne sais pas. Encore? Oui. Hein. Bah, elle n'arrête plus, elle s'en va, elle revient. Elle vient faire des featuring plutôt, mais elle n'est plus vraiment dans le groupe. C'est ça. Allez. Bah oui. Mais enfin, tristesse. Et vous avez écouté, ça ne change rien. Elle s'occupe de ses enfants ou quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la femme de Fred Dreyer? Non. Je pense qu'ils ont été ensemble pendant tout un moment, mais... Voilà, c'est peut-être ça. Ouais. C'est comme ça. Sonic Youth, tu vois. C'est pareil. Ne compare pas. Je parle pas de la musique. Non, du tout, mais même du couple. Je ne sais pas. Ça a duré très longtemps, Sonic Youth, quand même. Ah, ils se connaissent depuis longtemps. Enfin bref, allons-y. Ça n'a aucun intérêt. Pour la petite histoire, John Dwyer a construit T.O.C., ce qui ne s'appelait pas T.O.C. à l'époque, en 1997. Mm-hmm. Donc ça fait bientôt 20 ans. Mm-hmm. Ça fait quand même... Ah, ça fait un bail. Ouais. Ça s'appelait Orinoka Crash Suite. À la base, c'était en solo. Oui. Pauvre type. Parfois, j'ai envie de dire pauvre type, je ne sais pas. C'est presque ça. On parlait, je trouve, avec lui. Ouais, je ne sais pas s'il y a besoin d'un psy, de temps en temps, peut-être, mon avis. Peut-être. Il faisait partie d'autres groupes à l'époque, donc Pink and Brown, mm-hmm. Coach Whips, et un autre groupe encore au nom imprononçable, ou presque, Zeigenbock Kopf. Mmh. Oui, il y avait un problème. D'accord. Bon. C'est à partir de 2005 qu'on va retrouver un groupe entre guillemets, puisque ce sera un duo avec Patrick Mullins qui va jouer les percus et de la scie. Mmh. Voilà, derrière. Et ils vont sortir Songs About Death and Dying Volume 3. Et OCS, donc forcément, puisqu'ils gardent toujours pour l'instant le nom Orinoka Crash Suite. C'est ça, il y a toujours un O et un C. Hein, dans le truc. Voilà, tout à fait. OCS 4, Get Stoved. Ouais. Voilà, ça passe en 2005. Et enfin, Brigitte Dawson qui va s'intégrer dans le groupe, qui était membre en fait d'un duo qui s'appelait Mixtape, avec Merrick Long. De deux dodos. Ah ouais. Voilà. D'accord. C'était un duo avant. D'accord. Tout est dans tout chez nous. Bah ouais. Ouais. Alors, elle travaillait dans un café, en fait, à San Francisco. Et elle voyait souvent Dwyer venir dans ce café. Et finalement, ils se sont parlé. Paraît logique. Et comme lui, il déposait en fait ses flyers pour son groupe, OCS, elle s'est dit, voilà, je vais peut-être lui proposer de travailler avec lui et de chanter dans son groupe. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée et qu'elle a chanté et qu'elle a également apporté sa touche clavier. D'accord. Voilà. Et comme trio, voilà, ils vont enregistrer The Cool Death of Island Raiders en 2006. Un album qui a été coproduit par les membres de TV on the Radio. Allez. Bah oui. En 2007, c'est Pity Damit qui va s'intégrer dans le groupe. Et ils vont toujours pour l'instant garder ce nom, sauf que un an plus tard, ils vont s'appeler T-O-C-E-S, mais T-H-E, plus loin, O-H-S-E-E-S. Voilà, il y a de l'évolution par la suite. C'est ça, on regarde toujours le T-O-C-E-S, mais on change. On garde la phonétique, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Et en 2007, ils vont sortir Sucks Blood, ainsi qu'un DVD qui s'appelle The Haunts of Foggy Notion. Que ça. C'est vraiment un problème. Ouais. Ensuite, Mullins va partir du groupe et c'est Jingmai Bar qui va prendre sa place. Lui, il va partir en tout cas en tournée avec Ty Segall notamment. Et il va plus jamais revenir en groupe. Donc ça durerait vraiment. Ça reviendra. Il serait parti plus ou moins 6 mois avant de. Il y a une similarité vraiment entre eux, leur formation, leur manière dont ils gèrent ça, et par exemple un Mark Smith dans The Fall. Ouais, c'est ça. C'est John Dwyer et t'as le reste autour. C'est ça, et un album tous les 6 mois. Allez, pour cet album, A Weird Exist. Premier album de cette année quand même. Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y aura un deuxième, je ne sais pas. On va écouter le morceau qui ouvre l'album, ça s'appelle Dead Man's Gun. Let's go. Dead Man's Gun, des T.O.C.'s extraits de leur nouvel album A World Exists. T.O.C.'s. C'est du T.O.C.'s. Alors vous allez voir que par la suite, c'est un peu moins T.O.C.'s. Quoi ? Ouais. Mais non ! Si, si. Il y a trois morceaux sur l'album qui font entre psyché et instrumental. Mm-hmm. Et ça fait assez bizarre. Bon, en même temps, si le gars, ça fait 20 ans qu'il fait ça, à un moment donné, bon. Ouais. Il va tenter autre chose. Voilà, on écoutera ça juste après. C'est bon quoi. Même si vous êtes bien en direct, hein, donc RQC 95 FM. Nous sommes bien le 11 septembre 2016, il est 20h16. Voilà, pour ceux qui vont réécouter dans le podcast cette semaine. Et ouais, il y a une bagnole qui passe dans notre micro. Bon, dans notre micro. Hein. Voilà. Quasi. Elle était pas loin. Allez. Alors, en 2013, ils annonçaient que c'était leur dernier live, en tout cas après avant un bon moment. Mm-hmm. Et c'est juste parce que John Dwyer, en fait, déménageait. Ah. Ben voilà. Et il y avait besoin un peu de temps pour se préparer et sortir après Drop leur prochain album. Mais cette fois sans Brigitte Dawson, voilà, qui est partie à San Marin, en Californie. Mm-hmm. Pas à San Marin. Non. Et en fait, où elle veut juste peindre et montrer ses peintures, en fait. Et fumer des pétards. Sûrement, il y a des chances, je sais pas, il n'est pas marqué. Je ne sais pas. Donc finalement, comme John Dwyer, on a un peu marre, justement, on en parlait, de l'étiquette T.O.C.'s, parce que c'est vraiment une étiquette qu'ils ont maintenant, parce que voilà, on les reconnaît à 1000 km. Et T.O.C.'s, c'est comme AC/DC fait du AC/DC, T.O.C.'s, c'est du AC/DC fait du T.O.C.'s. C'est ça, tout à fait. Et donc, ils voulaient un peu enlever les synthétiseurs, justement. Ah. De son groupe, et c'est pour ça que Brigitte Dawson a arrêté de travailler avec eux. D'accord. Voilà, et il a dit qu'il incorporait toujours synthétiseur, mais par contre en live, il n'y en aurait pas. Oula. Voilà. Oula. Ben oui, je ne sais pas. En 2015, il sortait le fameux Mutilator Defeated At Last, où Brigitte Dawson va revenir justement dans le groupe sur deux ou trois morceaux. Mm-hmm. Comme quoi, ben... Et ça, on va le revenir. Ouais, ça va revenir. Ils sont fort libres, mais c'est normal. Et également un live in San Francisco, où on vous fera partager bientôt, pas de soucis. Parce qu'il est quelque part chez moi. Qui a été enregistré le 1er juillet 2016. Et enfin, ce Word Exists, où on a un tout nouveau line-up à part Dwyer. On retrouve, bah oui, Hellman, Moutinho et Rincon, voilà, qui sont les nouveaux... Second couteau de... Petit bras. C'est ça. Porteur d'eau. Faites comme vous voulez. Porteur bidon. Porte bidon. De John Dwyer. Alors, ils expliquent que leur philosophie, c'est pas du tout de se dire, bah voilà, c'est vrai que la plupart des artistes, ils sortent un album tous les ans ou tous les deux ans. Mm-hmm. Et, mais eux, en fait, dès qu'ils ont envie, bah, ils rentrent en studio et ils veulent juste. Ils ont une idée, ils veulent juste enregistrer. C'est pour ça qu'il y a autant d'albums des T.O.C.'s. Tout simplement. Et qu'ils s'en foutent un peu de l'industrie du disque. Ça, on avait compris. Voilà. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Ben, c'est bien. Ils ont bien raison. Par contre, je suis un peu sceptique sur l'histoire des synthés, c'est justement ça qui les sortait un peu du lot, à mon humble avis. Tout à fait. Mais les synthés sont toujours. Bon. Je te rassure. Bon. Brigitte Dawson, non, mais quand même des synthés. Bon. Donc, 15e album, vous disiez. Voilà. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Parce qu'il s'appelle, sous le nom T.O.C.'s depuis 2008, c'est déjà le 15e album, quand même. Word Exists, on va écouter un morceau. Alors, je vous laisse écouter. Parce que. Il y a un côté T.O.C.'s, mais il n'y en a pas en même temps. Oula! Le morceau s'appelle Gemmed Entrance. We'll be right back. Nouveau. Drumsticks were his treasure trove, found in the ashes of a coconut grove. Hey man, can you give me something? Hey man, did you give me something? Hey man, nothing comes from nothing. Something came from somewhere. Hey man, it's a tenement song. Just stand on the tip of your tongue. Let's play on the tenement song. On and on and on. L'album sortira à la fin du mois. Old Career porte comme nom. Les Pixies de retour en 2016 avec donc un nouvel album et les Pixies qui ont intégré Paz Lekantin, la bassiste qui avait remplacé plus ou moins Manu Militari, non pas Kim Deal, mais la fille très chouette dont j'ai oublié le nom qu'ils avaient pris entre deux pour remplacer Manu Militari, Kim Deal. Ouais. On me suit un petit peu, hein, voilà. Enfin, c'est Frank Black hein, qui est un peu là-dedans. Et donc, qui a été cherché Paz Lekantin, qui est connu pour avoir travaillé, par exemple, avec Perfect Circle ou encore les Smashing Pumpkins. Voilà, donc, madame, elle a un petit peu de savoir-faire. Elle a du cœur. Elle a du coffre aussi, puisqu'elle fait les chœurs sur ce morceau. Et donc, premier titre qu'on nous envoie. Enfin, deuxième titre exactement qu'on nous envoie. Voilà, on n'en dira pas plus. Album qui sortira donc, et puis peut-être qu'on en reparlera ici, ou peut-être pas. On sait jamais. En tout cas, de mon côté, c'est sûr que non. Mais... Allez, sur foi d'un titre, tu peux pas faire. Enfin, allons-y. Non. Voilà. Voilà. Tout ce qu'il y avait à dire. Fil rouge. Ouais. On continue avec Monsieur David Bowie. Si tu veux. C'est vrai, je peux. Et son album Station to Station. Ah. Et ouais. Ah. On va bientôt arriver à Berlin. Ah. Juste après. On vient de des choses intéressantes. 1976. Suivi après la sortie de l'album, forcément un live. Mm-hmm. Un live tour qui s'appellera Isolar. Ça. Ils aimaient bien ça. Enchaîner les trucs. Ouais, bah ouais, forcément. Mm-hmm. Isolar. Voilà pour le nom de la tournée, où il se fera bien sûr encore une fois remarquer. Voilà. Controverse politique en Corée toujours, puisqu'il aurait dit à Stockholm que les Britanniques, enfin, que ce serait bien que les Britanniques aient un leader fasciste. Voilà. Pourquoi pas. Et il y a surtout à ce moment-là l'incident de Victoria Station, où il est arrivé en fait dans une Mercedes convertible. Et donc Bowie faisait un signe à la foule et on l'a photographié avec peut-être un salut nazi, voilà, tout à fait. Chez la radio, ça se voit pas. Voilà, mais il l'a fait. Bon. Un peu plus bas, quand même, je vous rassure. Donc, Bowie dira plus tard que le photographe l'a pris, en fait, au milieu de son signe de la main, et que c'était pas du tout un signe nazi. Et c'est surtout que ben, tous ces propos qu'il avait dit à l'époque, c'était à cause de... forcément... son addiction à la drogue. C'est ça. Et son personnage du Thin White Duke, pardon. Puisque lui, il était complètement fou et complètement paumé à l'époque. Il réfléchissait consommer plus très bien. De la coke et du lait. Hein. C'est ça. C'est un truc de malade. Ouais, ouais. Le mec, pendant je ne sais combien de temps, mais fort longtemps, voilà. A consommé de la coke et du lait. C'est ça. C'est tout. Et il y a un journaliste... Alan Franks qui dira et qui confirmera ses dires, puisqu'il dira en effet il était complètement dérangé. Et il y avait vraiment des mauvaises expériences avec la drogue dure. Ben oui. Et surtout c'est parce qu'il habitait à Los Angeles à l'époque. Ah. Et où bah oui, on partait on trouvait très souvent de la drogue plus facilement que dans les autres villes. Donc c'était beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que voilà, on arrivera, il partira en 1976 en Suisse. Et ce sera la suite à la semaine prochaine. Nous, ça, on partira sur sa période de Berlin. Et on en parlera plus en détail la semaine prochaine. Yeah. Ouais. Voilà, on va arriver dans du sérieux. Station to station. Non, déjà. Non, mais c'est bien. C'est funk, machin, tout. Mais après. La trilogie, enfin bref. La trilogie berlinoise, et donc, arrivera. Et donc pour ce soir. Et pour ce soir, sur Station 2 Station, on va écouter le single de l'album. Bah tiens, tant qu'à faire. Golden Years. C'est parti. Taking you nowhere. Angel, come with us, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings. Angel, then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. One day upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Taking you nowhere. Allez, un petit détour sur les musiques bruyantes et agitées en partenariat avec le Core & Co Webzine. Et oui, vous savez, c'est toujours Lémi qui va nous accompagner pendant un beau bout de temps, hein, là-dessus. Voilà. Des titres au hasard. Bon, dans les news, ce qui nous attend, c'est évidemment des sorties, bien sûr, des venues. Et puis des retours peut-être pas prévus. Voilà, dans les retours pas prévus, on apprenait la semaine dernière que System of a Down est entré en studio, qu'ils bossent sur un nouvel album. Ils ont lâché quelques photos. Voilà. Allez. C'est bien groupe originel, les quatre membres d'origine, il n'y a personne de caché, personne de perdu. Et donc System of a Down travaille sur un nouvel album. Voilà. Tant mieux. Sur faute photo, on peut le dire. D'accord, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Les Misfits de retour aussi, mais sur scène avec le line-up original presque au complet. Il y a Glenn Danzig au chant, il y a Jerry Only à la basse, il y a Dave Lombardo forcément, parce que ça a été un peu compliqué pour les autres, mais Dave Lombardo, ex-Slayer, qui s'occupe de la batterie forcément, et puis il y a Dawl qui est là. Donc, sauf un, sinon, on a bien les Misfits de retour sur scène. Et donc, j'aurais voulu voir ça, une petite série, parce que les Misfits avec Danzig et Andy, deux têtes pas possibles. Je me demande comment ça allait se passer. Ils se sont peut-être calmés depuis, ils vieillissent. Hein. Bah oui, ça, ils vieillissent, mais ça aurait pu être drôle, ça devait être drôle. Et voilà, j'aurais bien voulu voir ça. Bon, soit, c'était drôle, quoi. Nouvel extrait de Slayer, ça s'appelle Pride and Prejudice, avec toujours bien clippé évidemment. Ça là-dessus, on peut compter sur eux, et Slayer fait du Slayer quoi. Metallica, il y a longtemps qu'on n'en parlait plus évidemment. Ils ont joué à Minneapolis en août dernier, autour du 15 août, et puis le concert a été filmé sous tous les angles possibles et inimaginables. Évidemment, c'est visible si vous êtes en manque de Metallica. Sachez qu'on peut les retrouver au moins sous forme de vidéo, mais Metallica revient, hein, tout courant. Hein. Ouais, je sais. Quel enthousiasme. enthousiasme absolument débordant. On en prenait aussi, et même plus qu'à prendre, puisque nous l'avons entendu, Ten Man Song. C'est évidemment le premier extrait de Head Career des Pixies, album qui sort le 30 septembre prochain, et le groupe sera au Zénith le 23 novembre. Quand je dis Zénith, c'est celui de Paris, c'est pas celui de Lille. Hein. Sans doute. Faudra aller jusque là-bas, quoi. Pas grave. Dans les retours, parce qu'on parle toujours des... Note que je parle des retours, hein. Souvent, ouais. C'était toujours des vieux. Et à 6 ans qu'on n'avait plus de nouvelles de ces gens, et je m'en souviens bien parce que à l'époque, j'avais causé de leur disque qui était un petit peu pas très bon. Et donc, Helmet revient avec un nouvel album le 28 octobre prochain. Ça veut dire qu'il y a au moins 6 ans que je fais des... Bon. Ouais. Voilà. Vous avez compris. Ça s'appelle Dead to the World. Et l'album va comporter 11 titres. Ah. Dead to the World. Helmet, et donc on verra ce que ça donne du Helmet. Hein. Surprise, ouais. Je ne sais pas du tout. On poursuit avec Dilliger Escape Plan. Prochain et dernier album, c'est confirmé, mais enfin bon, ouais. C'est ce que ça donne. Hein. Ça va s'appeler Dissociation, ça sort le 14 octobre prochain. Et effectivement, ils sont occupés de plus ou moins clôturer les concerts, ils annoncent, l'album sort, et puis au revoir et merci. Mm-hmm. Mais on sait comment ça marche dans le monde de la musique, où ils arrêtent et ils reviennent quand même presque tous. Presque. Presque. Presque tous. Il y en a qui ne doivent pas revenir. Pardon. Il y en a qui ne devraient pas revenir. Je suppose que tu as des noms. Tiens, retour, je t'avais dit, c'est une thématique. Hein. Ouais, c'est les vieux. Ce soir, les vieux. Alors, le titre s'appelle « Digging for Windows ». Il y a un producteur qui s'appelle LP, qui est plutôt concentré sur et le hip-hop, mais aussi la musique électronique, qui s'est occupé d'emballer ça. Le titre « Digging for the Windows », ça annonce un album à venir pour un certain Zach de la Roca. Oui, B. Ex, donc Rage Against the Machine, devenu Prophet of Rage. Enfin, Overage en boîte avec des béquilles, hein, parce que c'est... Voilà. Mais si. Et donc, Zach de la Roca. Et là, je vous le dis, soit avant 9h, soit après 9h, on a le Zach de la Roca ici, comme pour entendre. C'est dingue, c'est dingue. Bien. Et bien, bien ou pas bien? Eh bien, on pourra l'entendre. Voilà. D'accord. Et puis, on poursuit. Là aussi, on l'aura ici. enfin ici en musique en tout cas, Volcor X. Je vous en ai parlé Non, je vous en ai parlé, mais il pourrait. Et je vous en ai parlé la semaine passée. C'est quelqu'un qui revisite un petit peu, enfin qui a produit le fameux Hollywood Burns. Ouais, tout à fait. Voilà, musique quasi années 80, plein de synthé. Complètement années 80. Attack of the Synthesizer, le retour, enfin presque ça. Et donc on a le monsieur qui sort un album qui s'appelle This Means War, et le morceau éponyme a été clippé, et c'est très très bien fait, franchement, ça rappelle plein de choses, dans les couleurs et tout. Et donc on aura le fameux, un extrait de ce This Means War, ici aussi, ici, à l'antenne, avec Zach de la Roca. On n'aura jamais le temps. Tout ça, tout c'est ça. Après 9h, c'est certain. Avant, ça, oui, ça c'est avant, sûr. Avant, ça ne sera pas très possible. Voilà, et on va terminer avec dire que Purgatory va sortir un nouvel album aussi. Et on va écouter pour terminer. Donc, j'y arrive. On s'en va en Belgique. Jusque-là, ça va. Mmh. Hein. On est dans un style plutôt hardcore, post-hardcore, etc. Le groupe s'appelle Mondoré. L'EP s'appelle Fracture. Enfin, l'album, hein, c'est 7 titres. Donc, on va dire que c'est un album. C'est très très solide. Of course you are, extrait de Mondoré Fracture. Ça sort sur un label qui s'appelle Black Basset Records. On est parti, Mondoré. Thank you. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. You upstairs, so you call your Elle est le petit morceau groovy du soir. Mm-hmm. Mass Construction. Yeah. Turn Up the Music, c'était sorti en 1981. Ça, c'est quelque chose, hein. Quand même. Un peu funky. Ah ouais, ça le fait, ça le disco fait. Disco funky. Disco funky. Allez, l'album sort en 1996 et il est réédité cette année sous format d'un vinyle, d'un double vinyle, parce que il y a une partie vinyle, un side D notamment, où il y a des bonus tracks, l'un ou l'autre morceau qui n'a pas été enregistré, qui n'est jamais paru nulle part, etc. Enfin, on sait comment ça marche dans ces cas-là, mais rien que pour la plaque, ça vaut le coup évidemment d'avoir cet opus. Drive Blind, groupe français qui a donné des lettres de noblesse ben, au rayon noise, voilà. Il y avait quelque chose vraiment dans ce groupe qui les mettait un peu à part, alors encore plus éphémère que Sloy, hein, mais il y a une certaine filiation quand même quoi, dans ce monde-là. Drive Blind, l'album s'appelle Be a Vegetable, c'est vraiment une des plaques des années 90 à avoir si vous aimez le registre plutôt noise rock. Ça sort en vinyle chez Ed Records et on va écouter un titre qui s'appelle Placebo. Et ouais, c'était l'époque, hein. Ah ouais, il me semble. Yeah! One line. One line. A paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio. Mm-hmm. Et on va rester sur thriller français. Bah oui. Avec Jean-Marc Souvira, qui est toujours commissaire divisionnaire, voilà, en France. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ah oui, d'accord. Oui, si, si. C'est l'auteur du bouquin, Jean-Marc Souvira. Et donc, à la base, il voulait devenir écrivain, mais son père lui a dit... Fais une fois un vrai métier. C'est ça. Donc il est entré, bon, voilà, tant qu'à faire, il est entré dans la police. Bah ouais. Et donc, il est commissaire divisionnaire, il s'est occupé notamment de la lutte contre la traite des êtres humains. Là, pour l'instant, il est apparemment contre tout ce qui est blanchiment d'argent, etc. Voilà. D'accord. Donc, commissaire divisionnaire dans cette partie-là. Et, premier bouquin, ça sortait en 2009, ça s'appelle Le Magicien. Alors pour l'histoire, voilà, on retrouve Arnaud Lécuyer qui est emprisonné et qui sort après 12 ans de prison. Il a été mis en prison puisque il avait violé et presque tué une vieille dame. Et en fait, il s'était endormi à côté de son corps. Et donc, il a été arrêté comme ça. D'accord. En prison, on se fait très discret. Ben. Il écoute beaucoup ses co-détenus. Par contre, il a une cellule seule, puisque il est peut-être très très calme, mais il est très intelligent et il a un regard très haineux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. On ne sait pas et on le saura par la suite qui tuera trois détenus de la prison. On ne saura jamais qui les a tués. En tout cas, les matons ne seront jamais. Les enquêteurs, ouais. Mais c'est lui. D'accord. Alors, on l'appelle le magicien, puisque avant d'être mis en prison, il a tué, violé plusieurs petits garçons. Bah. Mais on ne sait pas du tout que c'est lui. D'accord. On l'a juste arrêté, en fait, pour le viol presque l'homicide d'une vieille dame. Et là, c'est peut-être pas lui, en fait. Si, si, c'est lui. Ah, c'est parce lui qu'il aussi. S'est endormi, ouais, il s'est endormi à côté du corps de cette vieille dame, c'est comme ça qu'on l'a chopé. D'accord. Voilà, et donc au moment où il sort de prison, il retourne à l'ancien appartement de ses parents, où il va rouvrir en fait sa collection, comme il l'appelle. Donc c'est un bouquin un peu spécial, et j'ai pas envie de vous donner des détails parce que c'est assez... assez monstrueux, assez dégueulasse. En fait, en gros, il achète des magazines porno et il coupe le corps des hommes et vient rajouter en fait la tête de ses victimes dessus. Voilà. D'accord. C'est un peu légèrement, comment dire, un petit problème psychologique. D'accord. Donc forcément, il va sortir et il va recommencer sa traque. Par contre, lui va être traqué par le commissaire Ludovic Mistral, qui revient d'un stage de profiling au FBI, où il était parti pendant 6 mois aux États-Unis. Et à l'époque, tout ça n'existait pas, forcément. Et donc, il va vite se rendre compte que le magicien est de retour. Et donc, c'est une traque qui va continuer jusqu'à la fin du bouquin. Alors, pourquoi le magicien ? C'est pas un secret, c'est parce que quand il était petit, on lui a acheté une boîte de magicien à Arnaud Lécuyer, donc au tueur. Et il fait des tours dans la rue. En fait, il repère un enfant. Il fait des tours, un enfant seul, forcément. Pour l'appâter, il fait des tours de magie dans la rue. D'accord. Voilà. C'est bien glauque, ça, quand même. C'est très glauque. Alors, le seul souci avec ce bouquin... il y a pas mal, l'histoire est vraiment pas mal et on se concentre beaucoup sur le tueur en fait. Ouais. Sur sa vie, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, c'est très psychologie du criminel. Par contre, la vie de Ludovic Mistral, son personnage, Il n'est pas très, très détaillé. D'accord. Donc on a un peu de mal à cerner le personnage, en tout cas du commissaire. Ça appelle à un prochain bouquin. Il y a des situés, oui, tout à fait. Probablement. Il est dans ma bibliothèque, pas encore lu, mais ça s'appelle Le Vent emportera. Donc ça, ce sera la suite. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est vraiment personnage qui n'est pas très développé, voire pas du tout. On sait qu'il est marié, qu'il y a deux enfants, mais à part ça. Jean-Marc Souvire, donc personnage qui exerce donc toujours, hein, tu nous confirmes. Oui, hein, tout à fait. Commissaire divisionnaire. Et si elle prend le temps de faire des essors, pareil, ben bravo. Alors, je ne sais pas si il a peut-être connu ça. Non, en fait, c'est une histoire qu'il avait déjà imaginée depuis longtemps. Mm-hmm. Et à la base, ça devait être un scénario. D'accord. 200 pages. Voilà. Et il s'est dit que les gens seraient sûrement frustrés si ce n'était qu'un scénario. Donc, il l'a fait en bouquin. D'accord. Mais il n'est pas si gros que ça, le bouquin, là. Mais c'est écrit en tout petit et bien serré. Hein. Ah ouais, quand même. Voilà. Non, ça met du temps à lire, ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mm-hmm. Je vous dis, c'est beaucoup, beaucoup de descriptions, et en tout cas de descriptions de la vie d'Arnaud Lécuyer. D'accord. Et du meurtrier. Par contre, cette partie-là est super intéressante. Quoi. D'accord. Vraiment, on suit vraiment tous ses mouvements. Mmh. On sait ce qu'il fait quand il sort de prison, on sait pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Mmh. Et un être très intelligent, forcément, vu qu'il ne s'est jamais fait choper à part... Bah ouais. À vous en doutez bien à la fin du bouquin, mais autrement... Bien, voilà. Le magicien Jean-Marc Souvira, ça sort là, en format pocket devant moi. Ouais, mais c'est en pocket, 2009. Voilà, 2009. Voilà. Bon. À lire si vous aimez la psychologie des tueurs, en tout cas. Ah. Ça vous intéresse? Il devrait discuter, ou il discute peut-être déjà, Souvira, avec Bourgoin, peut-être. Ouais, à mon avis, ouais, c'est bien possible, je ne sais pas. C'est pas noté, mais ce serait bien possible. Des gens comme nous, People Like Us, c'est le titre le plus court de cet album qui est interminable et dont on faut vraiment un certain temps pour y rentrer, pour faire le tour. L'album s'appelle The Glowing Man, c'est la cuvée 2016 des Swans, qui apparemment est la dernière cuvée, parce que ce coup-ci, c'est bon, on a fait le tour, on reste là. Ça m'étonne pas. Les Swans, The Glowing Man, on va écouter People Like Us, c'est parti. Spills from your mouth. We're calling. Suite et fin de l'album de la semaine. Mm-hmm. Nous sommes toujours avec les T.O.C.s et leur album Where It Exists. Ah. Bon, alors, voilà. Si vous voulez aller voir en concert, si. Ce n'est pas déjà fait. Si. Si, si, si. Mm-hmm. Ils seront le 15 septembre. Ah. Donc jeudi. Jeudi. Jeudi, oui, tout à fait. À l'aéronef de Lille. Eh, hey, cool. C'est pas très loin. Non, il va y avoir plein de gens. Plein de Moukrono. Il va y avoir plein de gens, en tout cas, je pense. Ça plein de gens. Ça va être plein. À mon avis. Plein, plein. Dernier extrait, donc. Oui. Pour cet album Where It Exists, on va passer du côté psyché. Ben, je vois, ça fait plus de 7 minutes, là. Presque 8. Hein. Ouais. Oh. Côté psyché des T.O.C. C'est comme ça, vous aurez les trois genres différents qu'il y a sur l'album. Mm-hmm. Le morceau s'appelle Crawl Out From The Fallout. Tout un programme. T.O.C.

Il n'y a pas de quoi leur jeter la pierre et les brûler, et il n'y a pas de quoi non plus les encenser, les mettre sur un piédestal. C'est un bon groupe rock français qui a quand même amené un petit quelque chose, qui a repoussé assez loin, peut-être pas encore assez loin puisqu'ils reviennent, mais en tout cas, qui a repoussé assez loin Téléphone et Trust par exemple. Ouais. On pouvait faire du rock en français, chanter en français, avoir une attitude. Celle de Bertrand Cantat, ça sera plutôt du côté de Jim Morrison qu'il faudra regarder pour retrouver ça, hein, le futal en cuir, etc. Mais, enfin, c'est ce début de carrière. Mais voilà, on se retrouve dans cette plaque. Et puis, évidemment, il y a plein d'histoires autour des visages, des figures. Et c'est un disque dont il faut prendre le temps pour faire le tour. L'album comporte 12 titres. Il y a pas mal de personnes qui... travaillent avec Noir Désir sur cet opus. Ils sont pas seuls dans leur bulle, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau quand même. Même si leur premier album a été produit par Théo Acola, mais généralement ils se sont pas trop entourés, et là c'est un album un peu plus collectif. Il y a notamment un titre, le dernier, qui fait 23 minutes 43. Ouais. On le passe pas ce soir, je vous le dis. On le passera un jour peut-être, pourquoi pas. Bertrand Cantat, Brigitte Fontaine pour l'Europe, où il y a vraiment un réglage en règle, en tout cas par rapport à l'Europe, et une vraie prise de position qui est pas manichéenne, hein, qui est vraiment bien travaillée. Il y a ce titre Lost qu'on vient d'entendre, où on retrouve par exemple au clavier un certain Nick Sansano. Et c'est ça qui est intéressant dans cet album là c'est que les gens qui ont participé à ce disque là c'est pas des gens qu'on pourrait croire issu du sérail de Noir Désir. Nick Sansano, c'est un Américain producteur qui a notamment dans ses paquets le Music in Our Message de Public Enemy en 1994, qui a par la suite migré vers la France et qui s'est occupé pendant des années des groupes comme IAM par exemple, voilà, Zebda, pour les plus notables, et donc il s'en va travailler sur cet album et joue des claviers sur différents titres des visages, des figures. Si on prend le titre à l'envers, à l'endroit, il y a dans les chœurs une petite jeune toute frêle qui s'appelle Michelle Lewis. Et Michelle Lewis, c'est une protégée de Nick Sansano qui fait plutôt dans le R&B, voilà, qui a des... n'a pas grand chose à voir avec le rock et encore moins avec le monde de Noir Désir, mais qui s'en va faire les chœurs là-dessus. On retrouve aussi pour différentes participations Akos Selényényi, qui est un musicien hongrois plutôt versé dans le jazz, qui est saxophoniste de son état, qui a étudié le jazz et les formations classiques à Budapest, qui a notamment travaillé tout le répertoire de Frank Zappa. Mm-hmm. Ça va. Et celui d'Abba. D'accord. Le mec, bref, il sait jouer un peu de musique quand même, et même un peu beaucoup, et puis qui s'installe à Paris dans les milieu des années 80, et qui fera quelques albums solo. Bah, c'est pas très très connu, mais en tout cas, ses participations, et notamment sur cet album-là, sont vraiment importantes. Et noté. Et puis, on est le 11 septembre 2001. Voilà, ça fait donc 15 ans. Évidemment, il y a les attentats des Twin Towers aux États-Unis. Mm-hmm. L'album sort ce jour-là. Et dans cet opus, il y a la deuxième plage qui s'appelle Le Grand Incendie. Ouais. Ça y est, c'est le Grand Incendie. Il y a le feu partout. Emergency, Babylon Paris, s'écroule New York City, Rocco qui déboule maintenant. Allez, ça, c'est les premières paroles de la chanson Le Grand Incendie, avec juste à côté, on retrouve la Statue de la Liberté en flammes. Oh ouais. Alors, déjà, le disque n'était pas facile à défendre, parce que c'est pas un disque, j'ai peut-être pas dit dès le départ, mais c'est probablement le disque le moins accessible de Noir Désir. Clairement. Le vent nous portera ses inaimables balades, mais qui cache tout à fait autre chose, bien la forêt, hein, bien plus sombre, bien plus dure. Il y a une superbe reprise tire l'arme des armes de Léo Ferré qui est fantastique. Ouais. Entre autres, il y a ce morceau improbable avec Brigitte Fontaine qui n'en finit jamais, plus de 23 minutes. Bref, il y a beaucoup de choses très différentes sur cet album qui est très très riche et très bien foutu, tout simplement. C'est un très bon album. C'est le meilleur album de Nardizer quand même. Point, et effectivement, j'allais y arriver, c'est probablement l'album le plus abouti du groupe, puisque de toute façon, après, ils font plus rien. Ouais. Donc, terminer là-dessus, même si c'est dans des drôles de circonstances, ben, au moins, on termine sur quelque chose de très solide. Mais évidemment, pour défendre ce disque, ben, ils vont devoir cravacher. Pourtant, en 2002, ils vont remporter une victoire de la musique, où il y aura Quentin qui va remercier à sa manière... Messenier, qui est le patron de Vivendi Universal, qui est la boîte qui sort l'album, en expliquant qu'ils ne sont pas du tout du même monde. Voilà, à sa manière. Artiste engagé, probablement pas pour Quentin, mais quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Il le dit, il ne se gêne pas. L'album est très bien fait, il y a des superbes photos aussi intérieures dans le livret, c'est une belle conception, c'est un tout, c'est un bel objet, et les morceaux sont vraiment extrêmement intéressants. On s'attardera aussi, quand on connaît l'histoire, sur l'appartement, ouais. Où il règle les comptes avec sa copine du moment. Okay. Bon, voilà, il y a c'est vraiment un album extrêmement bizarre par rapport à la suite de l'histoire pour le groupe. Et pour certains de ses protagonistes, dont Bertrand Cantat, forcément, ce qu'il va vivre. C'est très riche, très fort. S'il fallait avoir un album de Noir Désir, c'est probablement celui-là. Oui. C'est pas Tostaki, on remet pas la tête, c'est pas l'arrière des taxis non plus. C'est pas Sombrero de la mer. On s'y flotte pas sur ce disque. Pas du tout. Mais on le prend et on l'ingère vraiment de bout en bout. Superbe plaque des visages des figures, et donc forcément titre qui était interdit en 2001, donc on pouvait passer ça sur aucune radio, et ça a été interdit, me semble-t-il, jusqu'au moins 2011. Je ne suis pas sûr de la date, mais ça a été interdit au moins pendant 10 ans. Je me souviens l'avoir passé, moi, à l'époque, l'une ou l'autre fois. On s'en fout, nous. Ne sais pas. Bref, le grand incendie. Noir Désir sur des visages et figures, c'était l'archive du jour. C'est parti. Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. cuisse cachée dans une planque s'enterrer. La marge est infime au bord de l'abîme. Implosion, explosion, mort au comprime. Crapule, salaud, bourgeois, blaireau. Chez nous, ça détale dès qu'on a eu le déclic. I wanna do, do up a do. I wanna, wanna go with you. Trop tard, petit, petit malin. Indemnité, c'est pinus, t'auras rien. Le coup. Please. Une petite nouveauté. Nouveau. Voilà. Emma Ruth Rundle. Mm-hmm. Ça vous dit rien comme ça? Absolument pas. Alors, c'est la chanteuse du groupe Mariages. Mm-hmm. Et des Red Sparrows. Ah ouais. Voilà. Qui sort son deuxième album solo. Mm-hmm. Et qui sortira d'ailleurs le 30 septembre. Ça s'appelle Marked for Death. Et un côté... Ouais, Jarbou, Angel of Light, Galaxy autour des Swans, sans parler des Swans tout à l'heure. Il y a de ça là, il y a de ça dedans. Il y en a. Dedans, pour l'instant, il y a deux morceaux qui sont sortis. Je pense que l'album va être très intéressant. Bien. Pour ceux qui aiment bien des trucs un peu dépressifs, préciser. Ouais, quand même. Bah oui. Nouveau. Bah aussi. Tiens, mais là, c'est pas vraiment dépressif. Ah. On est parti dans le monde de Goldorak, l'album s'appelle This Means War, Volcor X, un français qui s'est mis en tête de se dire « Tiens, moi je suis bien dans mes dessins animés voilà. d'il y a 30 ans et j'y reste ». Et donc, c'est, l'univers est complètement fou, il se présente avec un masque, etc. Enfin, faut suivre ça, il y a un Bandcamp, hein, l'album est téléchargeable, il est payant mais c'est pas très très cher. Et il a déjà produit d'autres artistes, dont le Hollywood Band de la semaine dernière, extrait de son album This Means War. On va écouter Masked Death, Volcor X. Et là, c'est vraiment... Nouveau. We'll be right back. Deuxième extrait. Yes. Pour Duchesse Says. Extrait de leur nouvel album qui sortira le 14 octobre. C'est plus dansant. Hein. C'est plus gentil. C'est plus gentil. C'est plus gentil. C'est plus gentil. Le morceau s'appelle I Repeat Myself et l'album qui sortira s'appelle Science Nouvelle. Et ben voilà. Allez, c'est tombé dans ma boîte ce matin. Ma boîte mail, j'entends bien. Pas la boîte de la poste, il n'y a pas de facture le dimanche. Digging for Windows, extrait d'un album à venir. Il n'y a pas de titre pour cet album encore. Et puis, on ne sait pas quand l'album arrivera. Cette fameuse nouvelle incarnation pour Zach de la Rocca. Ça sort sous son nom, Zach de la Rocca. Digging for Windows. C'est parti. Zach de la Rocca, Digging Windows. Solide, hein. Ça promet. Ça c'est promet. Solide, hein, quand même. S'il y a un album qui sort, ça promet. Ça promet, effectivement. Bon, on le repassera, à mon avis, à l'album. Hein, parce qu'elle me dit quelque chose. Attends. Ouais, quand même. Hein. quand même. Allez, bah, ça, je te le décroche. Hein. Bah ouais. Bon. Nous sommes en 1995. Un groupe britannique qui sortira un album qui les fera connaître. Bah, principalement, oui. Différentes classes. Ah oui. Pour l'album. Ah oui. Bah oui. Oui. Le groupe s'appelle Pulp. Pulp.